Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 29 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Saturnins, ça vient du latin Saturne, tout simplement. Voilà des caractères trempés, qui soient. Les Saturnins ont une vision de la vue des plus manichéennes, avec eux pas de demi-mesure et les jugements de Saturnins sont célèbres en la matière. Franc, direct, honnête, courageux, l'un et l'autre ne manquent pas de magnétisme. Ils savent prendre des initiatives avec audace et promptitude et la difficulté les stimule. Animés par un esprit de conquête, ils n'en demeurent pas moins réalistes et pragmatiques. Toutefois, ils sont relativement méfiants et ont besoin de preuves tangibles avant de faire confiance. Ils ont une haute idée de la moralité, de la loyauté et possèdent certains principes, parfois quelque peu rigides. Nullement superficiels, ils ne gavotent pas leur amitié et se montreront fidèles et empressés lorsqu'ils se sont engagés. Actifs, ils ont besoin du travail pour s'affirmer et s'équilibrer. Lorsqu'ils sont motivés, ils ne connaissent plus leurs limites et se montrent acharnés au travail. En fait, deux tendances contradictoires coexistent au sein de leur personnalité. Le 4, qui porte à la réflexion, la pondération, la concentration, l'isolement, le sens du devoir et du travail, et qui vise à acquérir une certaine sagesse. Le 8, plus concret et plus dynamique, qui porte à l'action, aux emballements et met l'action sur le côté physique. Lorsque ces deux tendances s'harmonisent, nous sommes en présence d'êtres complets, mais ô combien exigeants ou intransigeants, qui se posent souvent en exemple pour les autres. Dicton du jour, neige le jour de la Saint-Saturnin, c'est de l'eau pour le moulin. Ou encore, à la Saint-Saturnin, l'hiver est pour demain. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 29 novembre. On va donc passer à notre première pause musicale avec la chanteuse Jodie Miller et le titre Queen of the House. Up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more. I got old floors to wax and scrub, and there's a dirty old ring in the tub. I'll get a maid someday, but till then I'm queen of the house. No time to fix my hair, need a new dress to wear. Old clothes will have to do, 'cause the kids all need new shoes. I got Bridge Club each Tuesday night. He goes out with the boys and gets tired, but when the evening's through, he comes home to queen of the house. I know the milkman, the ice man, they come every day. They give me tips on the horses to play, and when I've got the time to spare, I sit and wish that I a rich millionaire. Sing up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more. Oh, but some days I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the day that makes me queen of the house. Up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more. But some days I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the me glad I'm queen of the house, queen of the house. Jody Miller avec le titre Queen of the House sur RGM. Allez, on passe tout de suite aux anniversaires. Ils sont nés un 29 novembre 1932. Naissance de Jacques Chirac, homme politique français qui fut maire de Paris de 1975 à 1995 et ensuite président de la République française de 1995 à 2007. 1941, naissance de Jody Miller, chanteuse de musique country américaine. 1951, naissance de Toni Marshall, actrice et cinéaste franco-américaine, réalisatrice et scénariste du film Vénus Beauté Institut, récompensé par le César du meilleur film ainsi que de la meilleure réalisatrice et du meilleur scénario original. Et d'ailleurs, elle est la seule femme à ce jour à avoir reçu le César du meilleur réalisateur. On lui doit également Tu veux ou tu veux pas. Et en tant qu'actrice, on a pu la voir dans Vous ne l'emporterez pas au paradis ou encore Les Sous-doués. 1954, naissance de Joel Cohen, cinéaste américain connu pour le film Fargo, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original. Oh Brother, Intolérable cruauté, No Country for Old Men, récompensé par les Oscars du meilleur film, des meilleurs réalisateurs et du meilleur scénario adapté. 1961, naissance de Kim Delaney, actrice américaine connue pour son rôle de Diane Russell dans la série New York Police Blues, son rôle de Megan Donner dans Les Experts à Miami, vu également dans Newport Beach, le téléfilm Magnitude 10,5 L'Apocalypse, la série American Wives dans le rôle de Claudia Joy Holden ou encore dans la nouvelle saison de Chicago Fire. C'est également l'année de naissance de Tom Sizemore Jr., acteur américain vu dans Né un 4 juillet, Heat, Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle du sergent Mike Horvat, Pearl Harbor dans le rôle du sergent Earl Cistern, La chute du faucon noir dans le rôle du colonel Danny McKnight, vu également dans Hawaii 5-0 ou encore Lucifer. 1962, naissance d'Andrew McCarthy, acteur réalisateur américain, vu dans St. Elmo's Fire dans le rôle de Kevin Dolenz, les séries Monk, Gossip Girl, FBI Duo très spécial, réalisateur de plusieurs épisodes des séries The Blacklist et Orange is the New Black. 1964, naissance de Don Cheadle Jr., acteur américain, vu dans Hors d'atteinte, Traffic, Rush Hour 2, connu pour son rôle de Bashar Tar dans Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13, et son rôle du lieutenant-colonel James Rupert Rhodes, alias War Machine, alias Iron Patriot, dans les films Iron Man 2 et 3, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, Civil War, Avengers Infinity War, et prochainement dans Avengers 4, sortie prévue l'année prochaine. Hein, on commence à bien mémoriser. 1968, naissance de Charlotte Valandré, actrice française, vue dans Le Bal des Actrices, connue pour son rôle de Myriam Cordier dans la série Les Cordiers jugés flics, actuellement dans la série Demain nous appartient dans le rôle de Laurence Moiret, et vue également cette année à la télé dans Les Innocents dans le rôle de Anne Desgranges. 1969, naissance de Denis Maréchal, humoriste et comédien français, vue dans Prête-moi ta main, Scène de ménage, Clem, Camping Paradis ou encore Joséphine Ange Gardien. 1976, naissance d'Anna Faris, actrice américaine, connue pour son rôle de Cindy Campbell dans Scary Movie 1, 2, 3 et 4, vue également dans Lost in Translation dans le rôle de Kelly, Le Secret de Brokeback Mountain dans le rôle de LaShawn Malone, et depuis 2013, elle est dans la série Mom dans le rôle de Christie. 1979, naissance de The Game, chanteur américain. 1984, naissance de Béatrice Rosen, actrice franco-américaine, vue dans Le Ciel, les Oiseau et ta mère, Bienvenue chez les Roses, The Dark Knight, le chevalier noir dans le rôle de Natasha, le film 2012 dans le rôle de Tamara, la série Bay West dans le rôle de Leslie, la saga Le Bleu de l'Océan dans le rôle de Vanessa, vu également dans Smallville, Charmed ou encore Nikita. En 561, décédé Clotaire Ier, roi des Francs de 558 à 561. En 1924, décédé Giacomo Puccini, compositeur italien, considéré comme l'un des plus grands compositeurs de la fin du

Alors ce matin, il y a encore pas mal de nuages, mais on passera la journée sous des éclaircies. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera malheureusement le retour de la pluie. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés pour demain après-midi. Et samedi sera une journée plutôt nuageuse. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévues pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid s'est imposé 2 buts à 0 hier soir face à Monaco. Le club français est donc éliminé de toute compétition européenne. Et côté Atlético, a noté un but d'Antoine Griezmann. Le Paris Saint-Germain reste dans la course avec sa victoire hier soir 2-1 face à Liverpool. Tottenham s'est imposé 1 but à 0 face à l'Inter de Milan. Et le FC Barcelone s'est imposé 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Le Barça a privé de Samuel Umtiti, de nouveau blessé à un genou. Ce soir en Ligue Europa, Bordeaux reçoit le club de Slavia Prague. Marseille se déplace à Francfort et Rennes se déplace à Jablonec. On fait un point complet sur les résultats de NBA. Cette nuit, l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est imposée 108 à 94 face à l'équipe d'Atlanta. 13 points pour Batum, 6 pour Parker. Les Knicks de New York de Tilikina se sont inclinés face à Philadelphie 117 à 91. Deux assistances pour le français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert, très en forme cette nuit, 23 points, 16 rebonds, s'est imposé face à Brooklyn 91 à 101. L'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est inclinée face à la Nouvelle-Orléans. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 17 points s'est inclinée face à Portland 115 à 112. Et enfin l'équipe de Phoenix d'Okobo à 19 points s'est incliné face aux Clippers de Los Angeles 115 à 99. Un mot d'handball féminin puisque débute ce soir l'Euro et pour l'équipe de France, ça se passe pas loin d'ici. Hein. Le match aura lieu à Nancy. Ce sera contre la Russie à 21h. Un mot de biathlon, c'est la première étape aujourd'hui en IBU Cup à Idre en Suède avec un sprint où il y aura 5 Français, hein, dont Simon Fourcade hein, qui va évoluer pour le moment en IBU Cup, mais également Florent Claude, hein, mais je vous le rappelle, le Vosgien court hein, sous les couleurs belges. Il participera seulement au sprint d'aujourd'hui avant prendre la direction hein, de Pokljuka pour l'épreuve de Coupe du Monde qui débute dimanche avec les relais. Mais on en reparlera demain. On en reparlera demain. Et justement, Coupe du Monde, et bien côté féminin, on se dirige vers un forfait de l'Allemande Laura Dallmayr qui a une préparation assez compliquée et elle ne devrait pas participer à cette première étape de Coupe du Monde. Affaire à suivre. Et on termine avec une info tennistique où Joe Wilfried Tsonga a annoncé hier sur ses réseaux sociaux que Sergi Bruguera serait son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Sergi Bruguera, hein, qu'on connaît déjà bien en France, hein, notamment pour avoir été l'entraîneur de Richard Gasquet. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec les Beatles et le titre « Hey Jude ». Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Pain, hey Jude, refrain, don't carry a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na na na na na na na na. Hey June, don't let me down. You have found.